Bonjour à toutes et à tous. La mobilisation du personnel des établissements Henri Poincaré pour la continuité de l'école après la fermeture des classes continues, e-learning, une alternative pour accompagner les élèves. Pour cette deuxième émission plutôt consacrée aux mathématiques, nous recevons M. Kamenan Sati, il est enseignant de mathématiques des lycées. Également, M. Kwame Raphaël, enseignant de mathématiques aux établissements Henri Poincaré. Bonjour à tous deux, M. Sati. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir une fois encore sur notre plateau. Merci. M. Kwame, également, nous sommes très heureux de vous recevoir ici pour parler des mathématiques. Aujourd'hui, c'est la science pratique, donc traiter un exercice de mathématiques. Alors, Monsieur Sati, nous avons un exercice aujourd'hui à traiter. Il s'agit de l'exercice des terminales A. Surtout. Allons-y donc. Alors, je tenais d'abord à saluer tous nos auditeurs et aussi à dire que nous avons reçu les différentes productions des élèves, surtout des élèves de la série A. Dommage pour ceux des séries scientifiques, nous n'avons pas reçu leurs productions. On a pu relever des erreurs, des observations sont faites sur les différentes copies et je pense que chaque élève a reçu sa production. Aujourd'hui, nous sommes là donc pour parler un peu de qu'est-ce qu'il fallait faire de façon plus pratique, qu'est-ce qu'il fallait écrire pour que un élève, si c'était au bac, devait avoir la totalité des points. D'accord. Quel était donc l'exercice ? L'exercice était un problème. Un problème qui comportait deux parties, la partie A et la partie B. Donc aujourd'hui, nous faisons la correction de la partie A. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie A. Surtout, c'est cette partie qui a plus ou moins fatigué en griffe les élèves parce qu'ils n'ont pas cerné ce qu'il fallait faire. Donc nous allons parler de la partie A aujourd'hui. D'accord, on va donc poser le problème. Nous sommes sur ce plateau avec M. Kwame Raphaël également. M. Kwame, vous allez poser le problème de la partie A donc. Merci M. Mbra. Au niveau de la partie A nous dit ceci. On pose P de X qui est égal à X carré moins 2X moins 3. Un polynôme du second degré dans R. La consigne, étudie le signe de P de X suivant les valeurs de X. Alors, on pose P de X égale à X carré moins 2X moins 3, un polynôme du second degré dans R. Étudie le signe de P de X suivant les valeurs de X. Toute personne qui voit cet exercice se pose la question, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas les mathématiques, c'est quoi un polynôme déjà? D'accord. Alors, depuis la classe de 3e, les apprenants, on apprend aux élèves la notion de monôme. D'accord. Ensuite, de monôme, nous passons à polynôme. Il est important de savoir qu'un monôme, c'est une expression littérale qui s'écrit sous la forme A, is, exposant N. A désigne le coefficient de ce monôme, le is désigne la variable, et puis N désigne l'exposant ou le degré de ce monôme. Un exemple, 3is au carré. Donc le coefficient, c'est 3, la variable, c'est is, et le degré, c'est 2. Lorsque nous faisons la somme de ces monômes, de plusieurs monômes, nous obtenons un polynôme. Donc, polynôme, vous allez voir si on veut départager le mot polynôme, nous avons poly, qui veut dire plusieurs, et nous avons monôme. Donc, un polynôme, c'est plusieurs monômes, autrement dit, la somme algébrique de plusieurs monômes. D'accord, mais Monsieur Sati, pour résoudre un tel exercice, nous avons certaines notions mathématiques qui sont exigées. Surtout. Alors, quelle est la première notion mathématique qu'on exige en pareille circonstance? D'accord. Lorsque on vous demande d'étudier le signe d'un polynôme, surtout, il faut faire très attention. En terminale A, généralement, ce sont les polynômes de degré 2 et de degré 3 que nous demandons aux apprenants d'étudier. Donc, on peut leur demander d'étudier le signe du polynôme du second degré. La première des choses, c'est d'abord d'identifier la nature de ce polynôme. Est-ce un polynôme de degré 2 ou un polynôme de degré 3? Ça, c'est d'abord la première étape. D'accord. Si c'est de degré 2 ou second degré, il y a une forme de ce type de polynôme. C'est-à-dire, quand le polynôme est de degré 2, alors sa forme générale est AX au carré plus BX plus C. D'accord. Voilà un peu la forme générale des polynômes du second degré. Ok. Mais dans l'exercice qui est posé, on parle de P de X égale à X carré moins 2X moins 3, un polynôme du second degré dans R. Donc la consigne, c'est d'étudier le signe de P de X suivant les valeurs de X. Alors ici, nous faisons la reconnaissance de la forme d'un polynôme du second degré, c'est cela. C'est tout. Alors, on va donc passer à la résolution. P de X, donc, on va passer à la résolution. Alors, avec ce polynôme P de X qui est égal à X carré moins 2X moins 3, comme je le disais, il fallait d'abord identifier la nature de ce polynôme. À savoir, quel est le A, le B et le C. Puisque si nous savons que c'est un polynôme de degré 2, alors nous avons le A, le B et le C. Donc il fallait d'abord identifier. Ensuite, après l'identification, comme c'est un polynôme de degré 2 et que nous sommes en série A, il y a plusieurs techniques pour étudier le signe d'un polynôme de second degré. Mais généralement, à partir de la classe de première, on demande aux apprenants d'utiliser la notion du discriminant, qui est une notion très intéressante qui permet déjà de discriminer les zéros ou les racines de ce polynôme. Donc, le discriminant, il est important pour un élève de la série littéraire de savoir calculer le discriminant d'un polynôme du second degré. Comment on le calcule? Nous prenons, de façon générale, un polynôme P de X qui est égal à AX carré plus BX plus C. On appelle discriminant le nombre réel, généralement noté delta, qui est égal à B au carré moins 4AC. D'accord. Voilà, ça c'est le discriminant. Voilà comment on le calcule. Nous prenons un exemple rapide pour calculer, pour apprendre un peu comment on calcule le discriminant avec les élèves. Nous prenons P de X qui est égal, je pense que les apprenants nous suivent, ils peuvent aussi prendre aussi note, P de X qui est égal à 3x au carré plus 2x plus 5. Voilà, on va prendre un polynôme aussi simple que ça. D'accord. La première des choses, on identifie la nature de notre polynôme. Okay. Nous constatons que le degré ici de notre polynôme, c'est 2. Donc un polynôme du second degré. Donc, la deuxième étape, c'est d'identifier le A, le B et le C. Okay. Donc dans ce cas, le A ici, c'est égal. Donc on va identifier d'abord le A. Le A. Le okay. A, ce n'est rien d'autre que le coefficient du monome en 2, c'est-à-dire de degré 2. Okay. Donc le A ici, c'est 3. Ensuite, le B, c'est égal à 2. Et le C, égal à 5. D'accord. Voilà. Quand nous avons fini d'identifier les différentes parties de notre polynôme du second degré, nous passons au calcul du discriminant. Alors, comment se faire maintenant le discriminant, on l'a appelé delta. Donc, on écrit delta. On va mettre la formule pour permettre à tous les élèves de prendre. Delta est égal à B carré moins 4 fois A fois C. D'accord. Donc, comme déjà, on a déjà identifié. Là, vous utilisez la forme très simple que tout le monde comprenne. Voilà, fois, comme voilà, au CPR. Voilà. Fois. 4 fois A fois D'accord. C. Parce que souvent, quand on dit aux élèves B carré moins 4AC, les élèves ont tendance d'aligner que seulement des lettres. Et ce n'est pas intéressant. Il faut mettre l'opération multiplication pour montrer que nous sommes en train de faire un produit. D'accord. Donc, nous continuons. Rappelez-vous qu'on a déjà identifié nos différentes composantes. Okay. Donc, on va remplacer dans notre formule. Le B, rappelez, on a trouvé 2. Donc, ça fait 2 au carré moins 4 fois. Le A, nous avons trouvé 3. Donc, multiplié par 3. Ensuite, multiplier. Le C, nous avons trouvé 5, multiplié par 5. D'accord. Et juste avec une petite calculatrice rapide, nous pouvons donc trouver le discriminant. Okay. C'est-à-dire, 2 au carré, ça fait 4. 4 multiplié par 3 qui nous donne exactement 12. 12 multiplié par 5 qui nous donne 60. Ce qui nous donne moins 60. Donc lorsque nous calculons, nous avons exactement 4 moins 60 qui est égal à moins 56. Donc nous trouvons que notre delta est égal à moins 56. Delta égale à moins 56. Pour les novices, on a l'impression qu'on prend des nombres et puis on remplace des lettres. C'est comme ça que ça se passe? Non, ce ne sont pas les lettres que vous voyez. En réalité, ce sont des nombres. D'accord. Ce sont des nombres, mais comme nous partons de façon générale, donc nous voulons juste attribuer ces nombres que nous connaissons par des lettres pour dire que c'est une forme générale. Il faut le dire, pour pouvoir résoudre un exercice de mathématiques, le spécialiste sur le plateau vous demande d'avoir des notions exigées. Donc, lorsqu'on parle de notions exigées, parlant de cet exercice qui est en cours de résolution, il faut d'abord reconnaître la forme d'un polynôme du second degré. Effectivement. Alors, nous, notre exercice ici, c'est P de x égale à x au carré moins 2x moins 3, un polynôme du second degré dans R. Donc, super. La consigne, c'est d'étudier le signe de P de x suivant les valeurs de x. Donc, après la reconnaissance de la forme d'un polynôme du second degré, il faut passer au calcul du discriminant d'un polynôme du second degré. C'est sur ce point que nous sommes arrêtés. Souvent, on nous parle de zéro d'un polynôme, les zéros d'un polynôme. C'est quoi au juste, Monsieur Kwame? Oh, merci, Monsieur Mbra. Les zéros d'un polynôme, c'est les solutions que ce polynôme peut obtenir. D'accord. Lorsque nous avons calculé le discriminant de ce polynôme, puisqu'il y a plusieurs formes de discriminants, nous pouvons avoir des discriminants négatifs, des discriminants positifs et des discriminants qui sont égaux à zéro, nuls. Donc lorsque nous avons les résultats de ces discriminants, nous pouvons maintenant déterminer les zéros de ce polynôme qui sont les solutions de ce polynôme. Les valeurs que nous allons trouver, lorsqu'on remplace dans le polynôme les x, les inconnus, les x, par ces nombres, nous allons obligatoirement trouver 0. D'accord. Et c'est pourquoi on dit 0 d'un polynôme. Ok. Voilà. Alors, Monsieur Sati, quelque chose à ajouter? Oui, je vais rapidement ajouter. Le prof a parlé tellement trop mathématique. On va aller de façon plus littéraire pour nos apprenants. D'accord. Ils vont voir que c'est aussi simple que ça. Ok. Alors, le 0 d'un polynôme. Prenons un exemple. Nous prenons P de X est égal à X plus 2. P de X égale à X plus 2. Je demande aux apprenants de calculer P de 1. Alors, P de 1, c'est-à-dire l'image de 1 par notre fonction polynôme P. P de 1 est égal à 1 plus 2. Ce qui donne exactement 3. Ensuite, je demande aux apprenants de calculer P2 moins 2. P2 moins 2, ça donne moins 2 plus 2. Ce qui donne moins 2 plus 2, ça donne 0. P2 moins 2 égale à 0. La question que je veux poser à tous nos apprenants, d'observer les deux images. P2 1 donne 3. P2 moins 2 donne 0. Si vous regardez bien, P de moins 2 donne 0. On dit que moins 2 est un 0 de P. P de 1 égale à 3. Vous comprenez déjà 3 étant différent de 0. Alors 1 n'est pas un 0 de P. De façon plus claire, on appelle 0 d'un polynôme le nombre réel petit a, tel que P de A égale à 0. Autrement dit, c'est le nombre qui annule le polynôme. Voici de façon plus claire comment un apprenant peut savoir les zéros ou le zéro d'une fonction polynôme. D'accord. Dans notre cas, au niveau d'un polynôme de degré 2, comme l'a dit le professeur, la détermination des zéros d'un polynôme de second degré devient encore plus facile lorsque vous calculez le discriminant. À partir du discriminant, vous pouvez déjà savoir le nombre de zéros de ce polynôme de second degré en fonction du signe du discriminant. D'accord. On a dit dans notre au début que le discriminant c'est un nombre réel. Dans notre exercice que nous avons donné, nous avons trouvé un delta, un discriminant qui est négatif. Donc on peut avoir un discriminant négatif, un discriminant positif et un discriminant nul. Et c'est ce que le professeur a expliqué. En un mot, vous avez concrètement trois types de valeurs pour D'accord. le discriminant. Soit cette valeur est positive, soit elle est négative ou elle est nulle. En fonction de chaque type, vous déterminez le nombre de zéros ou encore les zéros de ce polynôme. D'accord. Si vous permettez, on peut continuer. Oui, allez-y. Lorsque le discriminant est positif, alors le polynôme admet deux zéros distincts. Quand le discriminant est positif, le polynôme du second degré admet deux zéros distincts. D'accord. Quand le discriminant est négatif, ce qui est très intéressant pour les apprenants parce qu'il n'y a plus d'effort, le polynôme n'admet pas de zéro. C'est-à-dire quand le discriminant est négatif. Donc l'apprenant écrit, le polynôme n'admet pas de zéro. D'accord. Dernier point, quand le discriminant est nul, le polynôme admet un zéro double. Un zéro double. Faites très attention, il faut éviter c'est un double zéro. C'est quoi un zéro double? Un zéro double, ça veut dire que le zéro s'est répété deux fois. Est-ce que c'est la même chose, un double zéro? Un double zéro veut dire que le polynôme admet deux zéros. D'accord. Donc faites très attention. Un zéro double, ça veut dire que le zéro s'est répété deux fois. Un exemple, si j'ai dit P admet pour zéro double 1, ça veut dire que 1 là s'est répété deux fois. Donc dans la factorisation, je serai obligé de mettre ça, de mettre un exposant 2 au niveau de la factorisation de notre polynôme. Donc vous faites vraiment très attention au niveau du signe du discriminant. D'accord. Voilà. Alors, pour continuer, on parlera maintenant d'étudier le signe d'un polynôme du second degré. Et ça se fait en fonction du signe du discriminant. Toujours. Et comment ça se passe exactement? En fonction du signe du discriminant, on détermine déjà les zéros. Nous connaissons les zéros. À partir de ces zéros, nous pouvons maintenant établir le tableau du signe de ce polynôme. D'accord. J'explique. Quand le discriminant est positif, alors notre polynôme admet deux zéros distincts, généralement que nous appelons IS1 et IS2. Dans le tableau de signes que nous allons dresser, il aura un tableau à deux lignes et deux colonnes. Dans la première ligne, nous allons mettre IS. Dans la deuxième ligne, nous mettons notre polynôme. Dans notre cas ici, c'est PDIS. Dans la deuxième colonne, c'est-à-dire première ligne, première colonne, ça nous avons déjà fini. Nous passons maintenant à la deuxième colonne. Nous mettons moins l'infini. Rappelez-vous que dans notre exercice, notre polynôme, on l'a défini sur grand R. Donc nous mettons comme premier élément, après le IS, la deuxième colonne qui suit, nous mettons moins l'infini et nous mettons le premier zéro. Je précise que entre les deux zéros doubles, entre les deux zéros distincts, autant pour moi, IS1 et IS2, vous mettez que le plus petit devant. D'accord. Donc si dans mon cas ici, je suppose que c'est IS1 qui est plus petit, alors je mets IS1. Ensuite, je mets le deuxième zéro qui est IS2. Et à la fin, je mets plus l'infini. Et je trace. Je trace un autre train qui juste descend en dessous de IS1 pour partager mon tableau. Et les élèves le savent très bien. Et nous mettons juste des petits ronds dans ce trait-là pour préciser qu'en IS1, le polynôme s'annule et en IS2, le polynôme aussi s'annule. Donc nous mettons des petits ronds. Alors, comment on détermine le zéro? Comme nous avons fini le tableau. C'est effectivement la question. Okay. Dans notre tableau, il y a deux grandes parties. Vous avez l'extérieur des zéros et vous avez l'intérieur des zéros. L'extérieur des zéros commence de moins l'infini à IS1. Et puis IS2 plus l'infini, ça c'est l'extérieur des zéros. À l'intérieur, vous avez IS1, IS2. Ça c'est l'intérieur. Donc c'est comme ça on distingue. Donc à l'extérieur des zéros, vous mettez le signe de A. On a dit que notre polynôme est toujours de la forme PDIS égale à AIS² plus BIS plus C. Donc, à l'extérieur, vous mettez le signe de A. Donc là, on met signe de A. À l'extérieur, signe de A. À l'intérieur des zéros, c'est-à-dire entre IS1 et IS2, nous mettons signe de l'opposé de A. C'est-à-dire signe de moins A. Aussi simple que ça. D'accord. Voilà, ça c'est dans le cas où le discriminant est positif. Quand le discriminant est négatif, là ça devient très intéressant. PDI, ça conserve le signe de A. Ça veut dire si A est positif, PDI est positif. Positif. Si A est négatif, PDI est négatif. Ce qui devient intéressant. Quand le discriminant est égal à 0, ça devient encore très bon. PDI conserve toujours le signe de A. Ça, c'est important de le préciser. Oui. Conserve le signe de A, mais sans nul en IS 0 qui est son 0. Voilà les trois parties pour déterminer le signe d'un polynôme second degré. On peut faire un cas pratique si vous voulez tout de suite. Il y a la question 5 quand nous allons passer à la phase pratique pour montrer comment on étudie le signe. Le problème, c'est on pose P de X égale à X carré moins 2X moins 3, un polynôme du second degré dans R. On nous demande donc d'étudier le signe de P de X suivant les valeurs de X. Sur notre plateau, nos invités vont passer maintenant à la phase pratique, donc l'application, la correction de la partie A du problème. Monsieur Sati. Ok. Alors, je suppose que nous sommes au bac. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, c'est la pratique. Tout ce que nous avons dit à la première séance, nous allons appliquer ça aujourd'hui. Ok. On me donne l'épreuve et je me saisis de l'épreuve. Je fais la lecture. Je relis. Donc, je commence. Partie A, on pose P de X. J'ai foi, mais on est au bac, donc on ne va pas lire ça comme ça devant tout le monde. D'accord. Voilà. Il faut le lire juste dans ton cœur. Pour permettre aux éditeurs que voilà, qu'il faut lire, voici pourquoi ils chantent de lire. Okay. Si on était au bac, on allait rester de façon silencieuse en tenue de lire. Donc, partie A, on pose P de X égale à X carré moins 2X. Moins 3, un polynôme du second degré dans R. Étudie le signe de P de X suivant les valeurs de X. Étape numéro 1. Je me saisis du brouillon. Je prends mon brouillon et je commence déjà à réfléchir sur cette question. Je n'attaque pas sur ma feuille de copie. Non. J'attaque mon brouillon. Et au brouillon, j'écris d'abord P de X égale X au carré moins 2x moins 3. Il est important d'écrire parce que en écrivant, les yeux vont capter exactement les différentes formes de notre fonction polynôme. D'accord. À partir de cet instant, je détermine mes différentes composantes. C'est-à-dire, le A est égal, le B égal et le C égal. Pour tous les auditeurs qui nous suivent, notre fonction, c'est P de X égale à X carré moins 2X moins 3. Nous devons déterminer le A. Le A, c'est le coefficient de X carré. Dans notre cas, le A ici vaut 1. Le B. Le B, c'est le coefficient de X. Dans notre cas, le B vaut moins 2. D'accord. Et C, c'est le terme constant. Dans notre cas, c'est moins 3. Donc, au brouillon, j'ai déjà déterminé les différentes composantes, le A, le B et le C. D'accord. Alors, on est tenté de poser la question A égale à 1. Mm-hmm. Le 1 sort d'où? Le 1 sort du fait que notre polynôme, c'est X au carré moins 2X moins 3. D'accord. Apparemment, quand on regarde, on voit que c'est X carré, mais on ne voit pas de nombre à côté. On a l'impression que c'est un vide qui est là. D'accord. Ce n'est pas un vide, c'est un 1. Ok. Et quand c'est 1, on n'écrit pas. D'accord. Voilà. Donc le B, voilà. C'est 2. Non, le B, c'est moins 2. Moins 2. Alors ici, nous avons 2x. On a moins 2x. Moins 2x. Donc le B, c'est moins 2x. Non, et le B, c'est moins 2. Moins 2. Voilà. Le X disparaît. Le X disparaît pas. Regardez bien, on a dit que la forme générale des polynômes du second degré, c'est P de X égale à AX au carré plus BX plus C. Ça, c'est la forme générale. D'accord. Donc, on fait juste ce qu'on appelle des identifications. Donc, de cette forme générale et la forme qui a été donnée et l'expression qui a été donnée, le A ici vaut 1, le B qui est là vaut exactement moins 2 et le C vaut moins 3. Amis auditeurs, vous suivez l'application, donc la correction de la partie A du problème qui a déjà été donnée sur la plateforme et c'est avec M. Sati. M. Sati, on continue. Ensuite, oublions toujours. Je commence à écrire delta égale. Et je mets ma formule. Je mets la formule au brouillon pour me rappeler de ce que je dois faire. Donc, j'ai écrit delta égale B carré moins 4 fois A fois C. Pourquoi vous choisissez delta et non pas oméga? Voilà. On appelait ça delta juste à cause du terme discriminant. Vous voyez que ça commence par D. D'accord. Donc, en mettant delta, c'est une manière quand même de dire, voilà, discriminant, ça sonne un peu plus mieux que oméga. Oméga, pour terminal, il y a un autre chapitre où on utilise généralement oméga, qui est la probabilité. Donc, on peut utiliser oméga en probabilité, même on peut utiliser oméga. Mais il est intéressant d'utiliser les notations conventionnelles. Partout, tout le monde sait que delta, avec les polynômes, c'est vraiment indiscriminant. Une question qui semble un peu bête, oui. Mais pourquoi delta, oméga? C'est des personnes physiques, là, non. Mais aujourd'hui... on pas de personnes physiques, ce sont des lettres grecques. D'accord. Delta, c'est une lettre, oméga, c'est une lettre, alpha, c'est une lettre, bêta, gamma, zeta, theta... Ainsi de suite. Ok, juste pour digresser, donc c'est delta tout. Égale à B au carré, oui. Moins 4, oui. Fois A, oui. Fois C. On continue donc. Ok, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer, par rapport à l'identification que j'ai eu à faire, je remplace le B par moins 2. Donc, attention, ça c'est l'erreur des apprenants. Ils oublient de mettre la parenthèse et ils mettent moins 2 au carré. Ils oublient que c'est moins 2, le tout au carré. Faites très attention. Donc, moins 2, le tout au carré. S'ils oublient la parenthèse, ils auront un résultat erroné. Et c'est là qu'ils vont commencer à se lamenter pour dire, monsieur, ça tombe bas. C'est pas bon. Donc, moins 2, le tout au carré, moins 4, multiplié, le A, il vaut 1, multiplié, le C vaut moins 3. Attention encore. Lorsque vous avez deux opérations qui se suivent, il est intéressant de mettre l'autre dans une parenthèse. Donc, d'accord. Multiplier entre parenthèses. Donc, on ouvre une parenthèse et nous mettons moins 3. Moins 3. Ça, c'est très important en termes de forme et de fond au niveau de la correction. Si vous n'avez pas mis ça, que vous trouvez le résultat, le correcteur va entourer pour dire c'est pas bon ici, mais tu as trouvé le résultat, il va te retrancher des points. Parce qu'il faut un raisonnement logique. Un raisonnement logique. À partir de là, nous allons commencer à calculer. Moins 2 au carré, nous avons exactement 4. Faites attention. Si les élèves ont du mal à faire des calculs rapides, il est intéressant d'utiliser une calculatrice. Vous trouvez une calculatrice et vous calculez. Nous ne sommes pas à un concours, nous sommes à un examen. Donc, tout doucement, on va y arriver. Donc, moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, ce qui me donne 4. Ensuite, moins 4 fois 1. Ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 3, ça donne exactement plus. Donc faites très attention, plus 12. D'accord. Et en ce moment, je me retrouve 4 plus 12, ce qui me donne 16. Voici donc mon delta que je viens à peine de trouver. D'accord. En ce moment, étant donné que j'ai trouvé mon delta, alors je repasse sur ma feuille de copie et je commence à rédiger. D'accord. Et c'est sur ma feuille de commence à rédiger. On a delta est égal. Je n'ai plus besoin sur ma feuille de copie de mettre la formule. Je peux aller directement avec moins 2 au carré, moins 4 fois 1, multiplié par 1 parenthèse, moins 3. Étant donné que j'ai calculé mon delta, qu'est-ce que je vais faire? Je passe à la deuxième étape qui consiste à regarder le signe de mon discriminant. D'accord. Je vois, est-ce que le discriminant, il est positif, négatif ou il est nul? Je constate que delta est égal à 16. Quel est le signe de 16? On constate que 16 est un nombre positif. Ok. Donc, si 16 est un nombre positif, ce qui voudrait dire que notre discriminant est positif. En ce moment, je fais appel à ma propriété qui me dit que quand le discriminant est positif, mon polynôme admet deux zéros distincts. Donc, j'écris delta supérieur à 0. Donc, c'est très important, la rédaction. Souvent, au bac, on constate que les élèves écrivent delta positif équivaut IS1 égale et IS2 égale. Non, c'est pas bon. Parce que le problème IS1 vient d'où? Il faut préciser le IS1, la nature de IS1. Il faut le dire. Et non affirmer le IS1 comme ça. Non. Donc, j'écris delta positif, donc P ou PDIS, admin 2-0 distinct. D'accord. 2-0 distinct. Et c'est en ce moment que je vais nommer mes zéros. Et je vais l'écrire IS1 et IS2. De telle sorte que le correcteur saura que IS1, c'est un zéro de mon polynôme. IS2, c'est le deuxième zéro de mon polynôme. D'accord. Donc, j'écris IS1 et IS2. Comment je les calcule? J'écris tel que. Tel que. Le tel que veut dire, voici comment je dois calculer le IS1 et le IS2. Donc, tel que IS1 égale. Alors, ils connaissent très bien cette formule. La formule est simple. IS1, c'est moins B moins la racine carrée de delta sur 2 fois A. Comment faire pour mémoriser cette formule-là? Alors, c'est très simple. Pour bosser les mathématiques, les propriétés en mathématiques, ce n'est pas de prendre, c'est comme on entend lire un roman ou on entend lire une lettre adressée à quelqu'un. Non, pas du tout. Le professeur vous donne une propriété. Pour mémoriser la propriété, vous-même, vous ouvrez votre cahier de cours, vous prenez une feuille. Et pendant que vous êtes en train de lire, vous recopiez la propriété sur la feuille. En écrivant, votre organisme va mémoriser la propriété. Deuxièmement, plus on fait d'exercices, plus la propriété finit par rester. Mais ne pas le faire, le jour où vous allez appeler la propriété, je suis désolé, vous ne pourrez plus vous rappeler que telle propriété existe dans votre background. Donc, IS1 égale, ça fait moins B, moins racine carrée de delta, le tout sur 2 fois A. Je n'aime pas trop les termes 2A, parce que souvent les élèves ont tendance à aligner des lettres ou des chiffres. Quand c'est comme ça, on ne voit pas bien l'opération. D'accord. Donc, moins B, moins racine carrée de delta sur 2 fois A. Et j'écris IS2 est égal à moins B plus racine carrée de delta, le tout sur 2 multiplié par A. En ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout ce qui est comme variable qui se trouve dans mes 2 euros. Donc, d'accord, je remplace. Le B, c'est moins 2. Donc, ça fait moins, en parenthèse, moins 2. Vous voyez pourquoi je mets la parenthèse? J'ai dit au préalable que quand vous avez deux opérations, il est intéressant de mettre la deuxième dans une parenthèse. Dans une parenthèse. Moins, en parenthèse, moins 2. Moins racine carrée. Notre discriminant, c'est combien? 16. Donc, racine carrée de 16. Le tout sur 2 multiplié par combien déjà le A? Par 1. Multiplié par 1. Donc, vous voyez, si je n'ai pas mis multiplié, que je mettais 2A, regardez ce que l'élève allait m'écrire. Il allait m'écrire 2 et puis 1. Oui. Et là, vous voyez que ce n'est pas 2 fois 1, mais ça devient quel nombre déjà? 21. 21. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il faut faire très attention quand on dit aux apprenants 2A. C'est plutôt 2 fois A. Et nous écrivons IS2 égale moins, en parenthèse, moins 2, plus racine carrée de 16, le tout sur 2 multiplié par 1. D'accord. Je continue, je mets égal. Et il y a un « et » qui, oui, se retrouve là. Voilà, je mets le « et » pour dire que j'appelle le deuxième zéro. Je ne peux pas mettre le « ou », parce que quand vous mettez le « ou », ça veut dire que le polynôme n'admet pas forcément les deux zéros. Ça peut admettre l'un ou bien l'autre, ce qui est faux. Donc, c'est le « et », très important. D'accord. Le « et ». Cependant, si c'était la résolution d'une équation, un exemple, is moins 2, facteur de is plus 2, égale à 0, en ce moment, je dirais que is moins 2 égale à 0, ou je ne mets plus le « et », parce qu'en ce moment, forcément, on n'a pas besoin que les deux conditions soient réalisées pour que le produit donne zéro. C'est bien important noté. À préciser. Nous continuons encore avec notre IS1. Moins devant une parenthèse, quand nous enlevons la parenthèse, propriété de quatrième, le moins va modifier, quand nous allons enlever les parenthèses, tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. D'accord. Donc, le moins devient combien déjà? Ça fait plus. C'est déjà le plus, oui. Voilà. Donc, c'est ce qui donne 2, donc plus 2. moins racine carrée de 16. Nous sommes en terminale, donc on va repartir rapidement en troisième. La racine carrée de 16 n'est rien d'autre que 4. Donc ce qui donne moins 4. Pour celui qui a oublié, une petite calculatrice l'aide rapidement. Sur 2 multiplié par 1, ce qui donne 2. Et x2 égale ce qui donne 2 plus 4 sur 2. Nous continuons égal encore. 2 moins 4, ce qui nous donne combien déjà? Moins 2. Le tout sur 2. Et x2 qui est égal 2 plus 4, ce qui nous donne combien? 6 sur 2. Nous obtenons que x1 égale moins 2 sur 2. Nous simplifions correctement. Attention, si vous pouvez simplifier une opération, une fraction, il faut simplifier. D'accord. Nous constatons que les apprenants ne simplifient pas et ils vont nous donner une fraction vraiment dans un tableau qui est vraiment... C'est pas bon. Il faut simplifier. On est en terminale. Et là, c'est le bac. C'est le bac. Donc, ce qui est égal à combien? Moins 1 et x2 qui est égal à 6 divisé par 2, ce qui donne 3. En conclusion, nous constatons que notre PDX admet 2 zéros qui sont moins 1 et 3. Après cette phase de détermination des zéros, nous passons maintenant au tableau de signes. Monsieur Sati, on va rapidement aller à la conclusion de l'exercice. Donc maintenant que nous avons les deux zéros, nous passons au tableau de signes. Le tableau de signes, avant de le faire, vous écrivez correctement tableau de signes. D'accord. Nous devons voir ça sur la feuille de copie. Tableau de signes. Évitez de mettre un tableau qui n'a pas d'indication. Vous l'avez dit correctement, pas en termes de SMS. Non, pas en termes de SMS. Souvent, on voit TS. Non, TS, ça ne veut rien dire. D'accord. On souligne et puis voilà, on bat le reste. Okay. Donc, on écrit tableau de signes et on fait un joli tableau. Pas un tableau à la main, mais un tableau avec une règle vraiment graduée. Joli. Bien joué. Mmh. Donc, on écrit comme ça. On fait notre tableau. On met IS. Et nous mettons PDX dans la première colonne. La deuxième colonne, nous mettons moins l'infini. Et comme je vous avais dit, nous avons dit, nous mettons le premier zéro, le plus petit devant. Donc, nous mettons moins 1. Ensuite, nous mettons le deuxième zéro, qui est le plus grand. Nous mettons 3. Et enfin, plus l'infini. Et nous traçons nos traits pour marquer que moins 1 en une autre fonction PDX et 3 en une fonction PDX. Et nous allons appliquer notre règle. À l'extérieur des zéros, nous mettons le signe de A. Notre A ici, rappelez-vous que c'est 1. 1 qui est un nombre positif. Donc, nous allons mettre plus à l'extérieur de nos zéros. Donc, nous mettons plus. À l'intérieur, nous mettons le signe contraire, c'est-à-dire moins. Et c'est tout. Voici notre tableau d'ici. Merci à la technique assurée par Ouma Koubenan, je l'ai dit. Il est assisté par le directeur de l'enseignement général, M. Gilbert. Bon, merci donc de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Bouek FM. C'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Il était là pour me consoler. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me